là-bas pour la PC, Samina. Ça fait un bail qu'on l'a pas vu, j'en ai marre. Invitation, je fais rien, je m'en presse comme une cheminée. Marocain pour les poumons, Guyanaise pour le nez. On fera toujours tout pour le blé, même des pensées comme polonais. Viens pas nous raconter ta science tout traîner. J'dis plus à la zipette qu'à mon propre CD. On fait ça comme il se doit, t'inquiète, on fait pas dans le seville. Moi je te raconte ce que je vis. Quand tu t'y perds un peu, ça se voit. C'est un bleu pour elle, guetteur sous Kawer. Dans le bâtiment, t'inquiète, les autres sont calés. Fais tourner la bouteille, y'a des gobelets, t'inquiète, on vide ça. Là où on galère ma gueule, y'a pas de vide star, moi. J'aime de partir loin d'ici, y'a rien de bizarre. On retrouve le sourire en consmanique, tu sais qu'on kiffe ça. Fais tourner la bouteille, y'a des gobelets, t'inquiète, on vide ça. Là où on galère ma gueule, y'a pas de vide star, moi. J'aime de partir loin d'ici, y'a rien de bizarre. On retrouve le sourire en consmanique, tu sais qu'on kiffe ça. La monogramme, la monogramme, la monogramme. Fais tourner la bouteille, y'a des gobelets, t'inquiète, on vide ça. Là où on galère ma gueule, y'a pas de vide star, moi. J'aime de partir loin d'ici, y'a rien de bizarre. On retrouve le sourire en consmanique, tu sais qu'on kiffe ça. Fais tourner la bouteille, y'a des gobelets, t'inquiète, on vide ça.